Ouattara, il est en mission contre le Mali et contre toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, c'est ça qui est là. L'Occident ne peut pas préparer la troisième guerre mondiale si les Africains ne sont pas d'accord, je me répète, parce que c'est important que les Africains écoutent ça. Tant que eux-là, leurs soldats, ils ne veulent pas mourir, ils ont toujours utilisé les Africains. Première guerre mondiale, chair à canon. Deuxième guerre mondiale, chair à canon. Donc, ils sont incapables d'aller au front contre la Russie, parce qu'il ne faut pas oublier le but de la manœuvre de l'Occident. C'est pour démettre, arracher le droit de veto à la Russie et à la Chine, à l'ONU. Donc, ils ont intérêt aujourd'hui qu'ils sont en déclin. Ils ont intérêt à aller à la troisième guerre mondiale. Afrique Média, le monde, c'est nous.